La peine de mort. Ouais. Alors, on va faire une chanson. Je profite d'être à Radio Libertaire pour faire une chanson pour la peine de mort. 1, 2, 3. Yeah.